grand compositeur, Marc Dumont. Cette semaine, Monteverdi et les Vêpres. Bonjour et bienvenue dans Grand Compositeur. Hier, nous voyagions, nous étions en voyage à la Porte de l'Orient. C'est Venise, la Porte de l'Orient. Nous évoquons comme cela Monteverdi et ses Vêpres, mais d'une façon peut-être parfois impressionniste, si vous voulez. Nous les écouterons, les Vêpres de Monteverdi, intégralement. Ce sera jeudi. Demain, nous serons sur les pas d'Orphée. Nous serons sur d'autres chants à la Vierge Marie, vendredi. Et aujourd'hui, la voix d'une foi. Filia sì. Exulta filia sion, exulta, exultare, exultate, autrement dit, bien sûr, il y a cette exaltation d'une foi sincère. Ici, la soprano, c'était Catherine Bott, le New London Consort, avec Philippe Piquet à sa direction, enregistré il y a déjà un quart de siècle dans un très beau disque consacré à des œuvres du temps de Claudio Monteverdi. Monteverdi qui nous sert de repère, de fanal, de phare religieux pour notre émission d'aujourd'hui. Une foi sincère, celle de la contre-réforme, donc une foi où la Vierge Marie a toute sa place, et on sait quelle place Marie a justement dans la doctrine de la contre-réforme. C'est essentiel pour lutter contre le protestantisme qui met en cause, le moins que l'on puisse dire, l'existence de la Mère de Dieu, ou plus exactement cette façon sacrée de la représenter via le catholicisme. Ici, je vous propose de passer du côté d'une compositrice, Francesca Caccini. Francesca Caccini, avec trois œuvres qui exaltent aussi une foi sincère, avec peut-être un certain dolorisme, ou en tout cas une vraie sensualité, surtout lorsque c'est chanté, comme ici, par Maria Cristina Kier, avec les membres du Concerto Suave, dirigé par Jean-Marc Ems. Muovete il vuoto altrui. Une déploration extrêmement touchante, La Chatemi qui solo. Francesca Caccini en est la compositrice. Auparavant, c'était un hymne à Marie, Maria Dolce Maria, suivi de Io mi distruggo. Et il s'agissait ici d'œuvres interprétées par Maria Cristina Kier avec le concerto Suave, dirigé par Jean-Marc M. Une parution prévue dans quelques semaines. Hein. Ne cherchez pas ce disque, il paraît sous le label Ambronet. Et d'ailleurs, c'est le 31e Festival d'Ambronay. Vous l'entendiez dimanche si vous écoutiez l'émission de Stéphane Grant qui nous emmenait sous les voûtes de l'abbatiale en compagnie de celui qui l'a créé et celui qui mène les destinées du festival. Je veux parler d'Alain Brunet. Donc, Ambronay a son label discographique, nous le savons, sur France Musique. Et ce disque-là va paraître donc dans quelques semaines. Ça s'appelle Il Canto delle Dame. Le chant des dames, eh bien, on voit ici qu'avec Francesca Caccini, ce chant est à la fois profane, chant d'amour, chant religieux, une ode à Marie. Et si j'ai choisi ces œuvres-là et cette compositrice, ce n'est encore une fois pas totalement un hasard, c'est parce que Francesca, c'est la fille de Giulio Caccini. Caccini qui est un des inspirateurs de la nouvelle pratique musicale, pratique dans laquelle, bien évidemment, Claudio Monteverdi s'insère, qu'il s'agisse d'une œuvre à une voix, à deux voix, ou à trois voix, voire plus. Thank you. Canzonetta Morale a tre. Selva Morale e Spirituale. La Selva Morale de Claudio Monteverdi date de la fin de sa vie, 1640, une trentaine d'années après les Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Il semblerait presque qu'il s'agisse de quelque chose de totalement profane. D'ailleurs, l'auteur, le poète du texte, c'est Francesco Petrarque lui-même. Et de quoi parlait-on ici? Qui volque mi namori? Autrement dit, si l'on veut que je tombe amoureux. Mais ce que l'on oublie peut-être, c'est qu'en italien, innamori comporte aussi le terme mori. Et dans l'amour, il y a la mort. Si je dis cela, c'est parce que Petrarque joue sur ce mot. Précisément. Et à la fin, voilà ce qui était chanté. Aujourd'hui nous naissons et demain nous mourrons. Lien sans cesse retrouvé entre le profane et le sacré, du sacré au profane. Nous étions ici avec l'ensemble Elima. C'est le premier des disques parus sous le label Ambrenet, dirigé par Gabriel Garrido, infidèle du Festival d'Ambrenet. Ambrenet qui consacre son édition, la 31e en ce moment, aux Méditerranée, disons. À la Méditerranée, mais j'aurais envie de mettre un pluriel. Et avec, au début de son festival, la possibilité d'entendre les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, spatialisées, je dirais presque réinventées par Mencoboni et son ensemble, Cantar Lontano, qui proposait, semblait-il, une vision nouvelle avec des tempi plus lents, un Monteverdi différent. Décidément, quelle richesse Monteverdi, quelle richesse et quelles influences sur les musiques. confundar, non confundar, non confunda in eterno. Cette musique, d'où vient-elle dans le cadre de notre émission Grand Compositeur? Monteverdi et ses Vêpres à la Vierge sont au programme toute la semaine sur France Musique, et pourtant, s'il s'agissait ici d'un compositeur vénitien de naissance, il ne s'agissait pas du tout de Monteverdi, il regarde peut-être davantage vers Gabrielli. Il s'agissait de Giovanni Valentini. Valentini, on l'a un peu oublié, beaucoup oublié même, il a été éclipsé par Monteverdi ou Schütz, par exemple. Valentini, avec sa sonata en harmonica, et puis à l'instant, In te Domine Speravi, Klaus Mertens, basse, avec l'Hamburger Rastmusik, dirigé de la basse de viol, que nous écoutions d'ailleurs, par Simon Eckert. Valentini, oh, il avait quoi, une bonne vingtaine d'années lorsqu'on le retrouve organiste de la chapelle royale de Pologne. Oui, au début du XVIIe siècle, et au moment où Monteverdi compose ses Vêpres à la Vierge, lui, il publie ses premières œuvres en Pologne, et ensuite il va travailler du côté de Graz. Mais ça nous rappelle qu'il y a comme cela une sorte de koiné culturelle européenne, un monde culturel, une sorte de communauté culturelle où les musiques italiennes sont vraiment à la pointe du progrès et à la pointe du texte. Le mot compte, le mot avant la musique. Thank you. Cet après-midi, sur France Musique, nous sommes dans cette mouvance italienne où parfois le profane et le sacré se mêlent d'une façon qu'il nous est impossible de déterminer, finalement. Alors, vous écoutiez la voix de Catherine Bott avec le New London Consort, dirigé depuis sa flûte, parfois, vous l'entendiez, par Philippe Piquet, Girolamo Frescobaldi, à l'instant, un sonnet spirituel. Madeleine au pied de la croix. Et qui se termine ainsi, ce texte chanté que vous venez d'entendre à l'instant, Madeleine au pied de la croix, qui dit « Je dois être avec vous dans la mort comme dans la vie ». Décidément, on y revient toujours à cette liaison entre l'amour, la mort, la vie, que l'on évoquait déjà tout à l'heure, en musique bien sûr. Auparavant, vous écoutiez de Francesco Rasi, Indarno Febo, et puis Ai Fuggitivo Ben, suivi par une œuvre de Francesca Caccini, celle que nous écoutions tout à l'heure, interprétée par Maria Cristina Kier, ici interprétée par Catherine Bott, c'était O che nuovo stupor, et puis de Biagio Marini, Con le stelle in ciel. Nous sommes avec les étoiles, il y a une sorte de néoplatonisme qui règne ici, finalement, et qui fait penser non seulement au philosophe Marcille Ficin, qui a réintroduit Platon en quelque sorte, mais aussi, peut-être surtout, en ce qui nous concerne, à Monteverdi, à sa musique, à ses musiques, je devrais dire. 1613, Monteverdi est nommé, c'était le 19 août exactement, comme maître de chapelle de Saint-Marc de Venise, la fameuse Cappella Marciana, autrement dit, un des postes les plus enviés non seulement à Venise, mais pratiquement dans toute la chrétienté. Et à Saint-Marc de Venise, à l'époque, il y a quoi ? Deux orgues, une quarantaine de chanteurs, une douzaine d'instrumentistes, quelques autres, en cas de, et les en cas étaient nombreux. D'ailleurs, Monteverdi reste, on le sait, jusqu'à sa mort, 30 ans plus tard, à la chapelle de Saint-Marc, suite, je dirais, de noms prestigieux. Tout d'abord, une centaine d'années auparavant, il y avait Adrian Villert, et puis ensuite Andrea Gabrielli, Giovanni Gabrielli, qui avait été donc maître de chapelle à Venise. Et puis en 1632, Monteverdi, le religieux, entre dans les ordres. On ne sait pas très bien ce qu'il en pensait réellement de la religion. Il l'a chanté et fait chanter dans tous les tons, et notamment avec ses vêpres que nous écouterons jeudi sur notre antenne. Mais peut-être est-il rentré dans les ordres à cet âge-là, un âge bien avancé, par pure commodité financière. Bon, laissons cela pour aller du côté de la musique de Monteverdi, la Selva Morale et Spirituale. C'est un recueil, je le disais tout à l'heure, un recueil paru en 1640-41, oui, un recueil qui reprend des choses plus anciennes. Il y a les madrigaux spirituels, on en écoutait un, il y a une série de psaumes pour les vêpres, et il y a, par exemple, ceci, une messe à quatre, une messe a cappella, extraite de la Selva Morale. Nous sommes ici plutôt dans un style ancien. Claudio Monteverdi, interprété par l'ensemble Elima, dirigé par Gabriel Garrido. Thank you. Claudio Monteverdi, interprété par l'ensemble Elima, dirigé par Gabriel Garrido. Monteverdi, extrait de la Selva Morale et Spirituale. Garrido a enregistré ceci il y a quelques années, en 2004, pour le label et le premier disque d'ailleurs, premier coffret, il y avait 4 CD, du label Ambronay, la messe à 4 d'a cappella, de chapelle, une messe de chapelle de Claudio Monteverdi, et non pas a cappella, comme peut-être je l'ai dit si ma langue a fourché tout à l'heure. La Selva Morale et Spirituale, je le disais, un recueil d'œuvres différentes hein, de Claudio Monteverdi, avec des styles différents, puisqu'ici nous étions plutôt dans un style traditionnel, disons. Hein. Nous sommes loin des splendeurs que nous entendrons jeudi dans les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, surtout dans la version que j'ai choisie. J'aurais pu choisir la version Garrido. Jeudi, vous entendrez une version dirigée par un Italien, non des moindres, Rinaldo Alessandrini. Mais tenez, je vous propose de rester en Italie, bien évidemment, et de rester dans une tonalité très recueillie, non plus avec Monteverdi, mais avec Giovanni Felice Sanchez. Vous connaissez Sanchez? Tenez, son Stabat Mater. Un Stabat Mater. Il y en a tant dans la littérature musicale. Celui-ci, franchement, vaut la peine d'être connu, reconnu, et reconnu avec la voix de Philippe Jarouski et son ensemble Artaserse. Cruce, amen. rubicati sui dentis, vidit Iesum in tormentis et flagelli subtitum. Vidit sum dulce natum, morientem desolatum, come C'est véritablement un lamento que nous venons d'entendre. Le lamento, je dirais, construit de façon musicale sur un lamento caractéristique du lamento vénitien, un tétracorde descendant, un chant obstiné comme ça. Ce Stabat Mater était signé ici par Giovanni Felice Sanchez, Stabat Mater, interprété par Philippe Jarouski avec l'ensemble Artaserse. D'ailleurs, le CD qui était paru il y a 5 ans de cela vient de ressortir chez Virgin avec, comme on dit, un autre packaging, parce que le premier ne faisait pas assez up-to-date. Enfin, disons que ce n'était pas suffisamment dans le vent, imaginait-on. Alors, on a réhabillé les choses pour faire plus Beata Virginae d'aujourd'hui. La Bienheureuse Vierge, on la trouve décidément absolument partout, pas seulement dans les Vêpres de Monteverdi, qui sont, je dirais, le prétexte pour nous toute la semaine à écouter des œuvres autour de la figure emblématique de Monteverdi, à commencer par celle-ci, Giovanni Pietro del Buono, ça s'appelle Canone sopra l'Ave Maris Stella, et ça date du moment où Monteverdi faisait publier sa Selva Morale et Spirituale. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous tournons autour du culte de la Vierge, finalement. Un canon sur l'Ave Maris Stella, signé Giovanni Pietro del Buono. Cela date de 1641. Nous sommes ici à nouveau avec la voix de Maria Christina Kyr, à nouveau accompagnée des musiciens amis de Concerto Suave et de Jean-Marc Ems, et à nouveau sur ce disque ambronais qui paraîtra dans quelques semaines, mais je trouvais qu'il avait toute sa place, en avant-première peut-être, mais musicalement toute sa place dans notre émission autour de Monteverdi, de ses Vêpres et de quelques autres. Thank you. de motets. Maria quae rapis corda hominum, un motet de Giacomo Finetti, et à l'instant, O quam pulchra es, un motet d'Alessandro Grandi. Vous écoutiez tout d'abord David Hurley et Timothy Wilson, des falsettistes, avec ensuite la voix à l'instant de Susan Hamilton, Gabrielli Consort and Players, dirigé par Paul McCrish, il y a une vingtaine d'années. Un double CD paru chez Archive qui s'appelle Les Vêpres Vénitiennes, des Vêpres reconstituées à la façon de 1643, autrement dit à la fin de la vie de Monteverdi. Thank you. C'est ainsi que se referme notre émission d'aujourd'hui. Après Giovanni Rigatti, le motet Salve Regina, Charles Daniel et Peter Harvey, c'était Monteverdi, Laudate Dominum par Angus Smith, le ténor avec les Gabrieli Consort and Players, dirigé par Paul McCrish. Et je remercie bien évidemment pour notre émission d'aujourd'hui à la fois Xavier Atto, Victor Buton, Nicolas Lafitte et Céline Parfenoff.